قد يحصل هذا من باب الاجتهاد. فلهذا قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد: وهذا مما يدل على وجوب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est ça, respecter sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En respectant, bien sûr, fi hada al-hal Abu Bakr et Omar, ça enlève rien, ça diminue en rien min fadlihima. Là, c'est des êtres humains. Lakin, le respect de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne pas faire passer la parole d'un autre. Si c'est un savant de la sunnah, min babi awla, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le respecte, on l'aime, lakin, on revient au hadith. Comme Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a fait. Est-ce que Ibn Abbas il a manqué de respect envers Abu Bakr et Omar? N'a'oudou billah. Et personne n'a dit hada min a'immat al-islam. Lakin, ihtiram al-sunnah, c'est muhim. Qala, wa anha hiya al-muntaha ba'd kitab Allah azza wa jal, wa anahu idha hasal ijtihadun min al-mujtahidin, yajib arduhu ala kitab Allah wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Si un imam, on a un exemple avec Abu Bakr et Omar, un sahabi, il a ijtihada, et ijtihaduhu il khalif un nas min sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on est obligé de prendre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr, al-alim min babi awla al-sahabi il a un udhr, et babi l'ijtihad il est ma'ruf. Al-sahaba radiyallahu anhum ikhtalafu dans certaines messaïles fil fiqh. Hada la shagavi, celui qui a étudié le fiqh, il aime hada. Et l'haq il est wahid. Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans une chose c'était kada. Tu trouves, mathalan, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ila un qawl, ibn Umar radiyallahu anhum ila un autre qawl. Achakna al-haq wahid. Fi hada al-hal, on revient al-hujja et on prend qawl al-sahabi qui concorde avec al-hujja. Et l'autre sahabi, on lui trouve des excuses, et l'achak il a des excuses, et al-isma, c'est les rasul alayhim salatu wassalam. قال فما قام عليه الدليل أخذناه وما خالف الدليل تركناه وإن كان قائله من أفضل الناس كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فضلا عن غيرهما. On prend le dalil même si en prenant le dalil on va délaisser la parole d'un fadil. On a l'exemple هنا avec Abu Bakr et Omar رضي الله عنهم. Est-ce que ça montre qu'on respecte pas? أبدا. لأن في الحقيقة si واحد يقول لا, il faut prendre la parole de Abu Bakr ou Omar radiyallahu anhum. فسنقول له et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كيف نفعل, on le délaisse. Voilà. أمرنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم, faut revenir à la sunna. خاصه que si tu suis la sunna, tu auras forcément un compagnon. لا بد. مثلا هنا, si tu suis la sunna, tu as suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu as l'avis de Ibn Abbas, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres bien sûr. قال شيخ العثيمين رحمه الله وبعض الناس يرتكب خطأ فاحشا إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا. Ça c'est une مصيبة. بعض الناس خاصة à notre époque الآن, ils vont pas citer كلام صحابي لأنهم ils sont على الجهل, ils connaissent pas مذهب منهج الصحابة رضي الله عنهم, et ils vont pas citer كلام d'un imam. Et même si c'est kalam al-sahabi ou kalam un imam, si ça khalif sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la parole des autres compagnons et des autres savants de l'islam, on est obligé de revenir au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, j'ai lu dans tel kitab. Wallahi, ba'dhum, ils ne sont même pas capables de citer l'auteur. Wa ashaddu min hadha, ba'dhum, ils disent, lakin, j'ai vu à la télé Foulan qui a dit. Et alors que sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle lui est citée. Ah, là, c'est très très grave. Ça montre qu'il y a un manque fi ta'zim sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ba'd an-nas tellement ils se sont écartés min hadha al-manhaj al-'azim qu'anna qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam d'un côté et un autre il est à côté et ils hésitent. Bel ba'dhum ils hésitent même plus, ils disent lakin fulan il a dit. Vous avez remarqué que Cheikh Ibn Uthaymeen il a pas remis en question la parole de fulan, et après si fulan il a dit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fini, il a parlé, intaha kull shay. C'est fini. Al-hukm, c'est hukmuh, alayhi salatu wassalam. Qala fa'alayhi an yattaqi Allah alladhi qala fi kitabihi wa yawma yunadihim wa yaqulu maza ajabtum al-mursaleen. Ammalu hadhi al-aya. Pourquoi Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité? Lianna yawm al-qiyama akhi al-karim, tu seras interrogé sur ittiba' al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pas sur un autre. Tu ne seras jamais questionné yawm al-qiyama, pourquoi tu n'as pas suivi Cheikh un tel ou Fulan, ou pourquoi tu n'as pas appliqué ce qu'il y a dans tel livre. Tu seras interrogé sur est-ce que tu as suivi le prophète alayhi salatu wasalam, sa sunna? Amma ta'at alim qui suit sunna de Nabi sallam, c'est tiba' sunna, le savant faqat, il te montre. Lakin délaisser sunna de Nabi sallam et suivre un autre, fa bi ay hujja? Ça nous montre anna celui qui pense à yawm al-qiyamah, il délaissera aqwal an-nas et il reviendra à sunna de Nabi sallallahu alayhi wasallam. Et on répète anna si tu suis sunna de Nabi sallam, la chakana tu trouveras des savants de l'islam qui t'ont précédé, tu trouveras les compagnons du prophète qui t'ont précédé. S'il y a une divergence entre les compagnons, l'insan il fait tout pour suivre les compagnons qui avaient al-hujja. Lian al-ikhtilaf, c'est arrivé baynahum radiyallahu anhum. Qala Cheikh ibn Uthaymeen, wa lam yaqul madha ajabtum fulanan wa fulanan. Fi l'aya, Allah subhanahu wa ta'ala il te demandera jamais pourquoi tu n'as pas suivi un tel. Là, suis sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Suis ahlul ilm. Et ton suivi des savants, c'est par rapport à la preuve, pas par rapport au nombre, ou ta'assub, iyadam billah, ou parce qu'il vient de tel pays. Là, li'annahu ila al-haq, et tu verras que, alhamdulillah, tu seras fi raha, fi rahatin, fi dunya, et incha'Allah, fi l'akhira. Qala, wa qala Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, ajibtu li qawmin arafu l'isnad, wa sihatahu yadhabuna ila ra'yi Sufyan. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك، لعله إذا أرد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، وفي نسخة فيهلك، والله المستعان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، que prennent garde ceux qui ne suivent pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils khalifent un amrihi, un fitna, qu'ils soient touchés par une fitna, ou un adab, ou yusibahum adabun alim. Cheikh l'Islam, il a cité hadha al-kalam avec ce verset pour montrer la gravité de délaisser sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'instant, il n'a pas le choix. Celui qui délaisse sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on parle fi din, et dans une adoration, ou tout ce qui est lié au din, il est à la khatar. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le droit de suivre un autre que le prophète, alayhi salatu wasalam. Si on suit un autre, c'est parce qu'il a un dali. Imma min kalamillah, imma min sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص مناسبة ذكر ذلك في الباب التحذير من تقليد العلماء من غير دليل وترك العمل بالكتاب والسنة وأن ذلك شرك في الطاعة أي دلسي les preuves du Coran et de la Sunna et suivre des hommes, que ce soit ulama ou autre. Hein, là, c'est très très grave. Khasatan celui qui sait, khasatan celui qui a le qudra. Amma al-jahil qui ne sait pas et il suit, khasatan s'il suit des savants de la Sunna, alhamdulillah, il sera à la khayr. Ma hada, il demande. Et s'il est conseillé parce qu'il suit une erreur, il revient. Amma celui qui a le qudra. Et il comprend, il peut demander, il peut rechercher. ولا شك أنه لا يجوز له التقليد قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أمر من الله اتبعوا ما أنزل إليكم. Si on se pose la question, c'est quoi que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-Qur'an wa sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala amra bil-ittiba', pas autre. قال عز وجل ولا تتبعوا من دونه اولياء نسفي با اوتر ثم قال عز وجل قليلا ما تذكرون صحيح كثير من الناس زوبلي اي سون في غفله في هذا اي شيرش لا فاسيليتي alors que la facilité في الحقيقه c'est في اتباع القران والسنه لكن c'est من الشيطان il essaie d'égarer الاكثر وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. Ne fait rien passer avant sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi dinillah. La tuqaddimu. Ta'ammal hadha al-lafz. Ça vient de taqdim, et faire passer une parole avant la parole du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qala azza wa jal, wattaqullah. Craignez Allah. C'est très très grave hadha. Wa qala azza wa jal, à la fin du verset, inna Allah sami'un alim. Et ta'ammal, anna le verset, il a été conclu avec hadha al-ism al-azim al-alim. Allah, il sait tout. Celui qui veut suivre un tel pour prouver qu'il est à la haq, ou pour contredire un tel, ou il est entêté, il est conseillé, et il veut faire croire aux autres qu'il est à la ilm, à la haq, alors que c'est un muqallid, il y a un fait, Allah il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Si tu sens que dans ton cœur, tu manques de sincérité, ou tu as suivi un tel aveuglément alors que le haq il est avec un autre, ittaqillah. Khasatan si le dalil il est devant tes yeux, sous tes yeux. Qala azza wa jalla wattaqullah inna Allah sami'un alim. Allah il entend et il voit tout. Azza wa jalla. Wa l'imam al-Shafi'i rahimahullah, comme fi i'lam al-waqi'in ibn al-Qayyim rahimahullah, il a rapporté l'ijma'. Qala ajma' al-ulama أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا لم يكن له أن يدعها لقول أحد. إجماع العلماء l'unanimité أن si dans une مسألة ou qu'il y a divergence la preuve elle t'est parvenue من سنة النبي صلى الله عليه وسلم, t'as pas le droit de la délaisser pour suivre un autre قول. Ça nous montre أن هذا الدين c'est pas une chose qu'on teste. Aïe, un jour je vais prendre ce qawl, un autre jour hada. Wa'aduhum kanahum yigoutent. La yajouz hada. Hada din, c'est une aqida et itiba' et être convaincu. Faman istabanat lahu sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il doit la suivre. Même si khalif un tel, même si khalif ses parents, même si khalif son cheikh, même si khalif des amis, même si khalif man khalif, il est obligé de suivre sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil ijma'. وعن ابن القاسم عن الإمام مالك il fait partie des grands élèves de l'imam Malik. Il rapporte عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال كما في جامع بين العلم وفضله ليس كلما قال رجل قولا يتبع عليه. هذا كذلك تستفيد من هذه الأقوال des فوائد عظيمة. أن c'est pas à chaque fois que quelqu'un dit une chose qu'on doit le suivre, même s'il fait partie de أهل الفضل, même si c'est ton cher, même si c'est أعلم من في الأرض. Mathalan, c'est pas à chaque fois que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et il a un fadl azim, ilmun ghazir, Cheikh al-Islam rahimahullah. C'est pas à chaque fois que dans une mas'ala on a l'avis de Cheikh al-Islam, anna forcément on doit suivre là. Idha tabayyana anna al-haq il est avec un autre, mathalan une mas'ala khilaviyya, et al-haq il est avec un autre, on prend le qawl de l'autre et on respecte Cheikh al-Islam. C'est ça, manhaj al-salaf. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله كما في الاعتصام فالحاصل أي لا beaucoup parlé de cette مسألة et à la fin il a résumé. قال فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلل. تأملوا هذا الكلام. فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال أي revenir à un tel من الناس min ghayr iltifat ila kawnihim wasa'il, en oubliant que ce cheikh, ce savant, cet imam, c'est une wasila, c'est un moyen pour t'aider de suivre la preuve. Donc al-ulama c'est une wasila pour le haq, c'est pas eux le haq eux-mêmes. La preuve c'est qu'ils peuvent se tromper, ils peuvent s'égarer. Non, on n'est pas ma'soum, que ça soit le savant ou autre. Al-hayy la tu'man alayhi al-fitna, tant qu'il est vivant. Hatta le kufr, on n'est pas à l'abri. Hatta les savants de l'islam, ils ne sont pas à l'abri. Falihada, on doit les prendre en tant que wasila. Qala ila kawnihim wasa'il lil-hukm shar'i. Ay, c'est un moyen pour qu'on sache al-hukm. Mathalan, on a une mas'ala et on cherche kalam Cheikh Ibn Baz. Qablahu, on cherche kalam Cheikh al-Islam Taymiyyah. On cherche kalam al-a'imma al-arba'a. On cherche kalam a'imma al-salaf ila akhri. Pour savoir al-hukm, c'est une wasila. Si on dépasse les limites et on pense que le qawl de ce shir, c'est lui-même la preuve. Et, mathalan, wahad, il nous montre un hadith du Prophète, mais on le rejette. Hada, c'est très très grave. Falihada, qala, wasa'il lil-hukm al-shar'i al-matloub shar'an, dhalal. Ça, c'est de l'égarement. C'est exactement ce qu'ils ont fait, ad-dhalal min al-firaq. Ils ont délaissé sunnat Nabi sallam pour suivre qui? Al-rawafid pour suivre des anadiqa, al-khawarij pour suivre leurs imams, Al-Mu'tazila poursuivre ilm al-kalam ou ce qui prétend la raison ila akhri. Al-Asha'ira poursuivre kadalik ilm al-kalam. Et chaque innovateur il s'est égaré min hadha al-bab. On doit faire attention et on n'est pas à l'abri. Qala rahimahullah wa la tawfiq illa billah. Et ça c'est muhim. Tout ça c'est min tawfiq illa billah. Hadha al-insan il demande al-tawfiq min Allah. Ne crois pas que tu es à l'abri. Khassatan cette époque de fitan. La tadun hadha. الحي لا تؤمن عليه الفتنة tant qu'on est vivant. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والعبادة. Ça joue un rôle énorme. والإخلاص et التضرع إلى الله سبحانه وتعالى, faire beaucoup de dua حتى الإنسان يسلم

أن si tu suis le haq, forcément des savants ils t'ont précédé. فلهذا on fait attention aux deux extrêmes précédents. On fait attention à التقليد والتعصب et ne plus faire d'efforts. Et les savants ils ont dit, بعضهم, vous avez remarqué, ils disent, les savants ils ont dit, في الحقيقة, c'est pas les savants qu'on dit, c'est un ou deux, il y a un khilaf. Il faut voir c'est qui qui a le haq. فبعضهم ربما avec les savants, ils font plus d'efforts et يقلدون. Même si un autre savant de la sunnah il cite une autre mas'ala, فهم يتعصبون لفلان أو فلان. On fait attention كذلك au deuxième extrême, أنهم ils prétendent ne pas faire de taqlid. أنا je قلد pas, يقولون. Et ils ont des agissements, ils font des choses, et ils ont des aqwal. Quand tu leur demandes, من قال هذا؟ من سبقكم بهذا؟ لأن العلم ولله الحمد انتشر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا فما من حق il était présent avant nous. فسي واحد يبريتون une chose ثم خاصة des قواعد des règles et on regarde avant et on trouve pas هذا كلام لا لا يجوز obligé de revenir à اهل العلم فالعلم نحن à notre époque on doit prendre العلم عند العلماء والعلماء علماء العصر les savants de notre époque ils ont pris العلم auprès de leurs savants. Et leurs savants, ils ont pris auprès de leurs savants. Hein, jusqu'à ça remonte aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou aux sahaba, radiyallahu anhum, ils ont pris du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, directement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nazala alayhi al-wahi. C'est sa tariq al-huda. Et c'est ça, manhaj al-salam. Amma wahad, il dit des choses, thumma il dit, lakin, il y a un dalil. Khassatan, on parle des masail ghariba, importantes, il dit un qawl. Et on regarde, on demande aux savants, personne connaît hadha al-qawl. هذا إلى ouvert une porte également عيادا بالله فالحذر الحذر ولمزيد الفائدة celui qui veut des فوائد أكثر في هذا الباب العظيم الاتباع والتقليد إلى آخره فكتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله لكن ce livre il faut un certain niveau en arabe il faut avoir compris certaines choses حتى الإنسان يستفيد لكن à notre niveau نحن on cite ces références. Celui qui ne peut pas, au moins il connaît la référence et ça le motive à faire des efforts dans la langue arabe, dans l'ilm, dans la langue arabe, dans le nahou, dans le sorf, dans l'ilm al-usul, dans l'ilm al-qawaid, dans le mustalah. Il a akhiré. Hatta un jour, tu arriveras à lire ce livre et le comprendre et ربما à propager les fawa'id. Si certains ont réussi, fadlullah, il est wasi'. Kadhalik, kutub al-salaf, ka shari'a l'imam al-ahjuri. والإبانة لابن بطة وشرح السنة للإمام اللالكائي فصدي أصول كذلك كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله وصنلاف الإمام ابن القيم عليهم رحمة الله جميعاً